et au LAF éducation. Ce matin, on a Educ, on a eu de très bonnes discussions, très politiques et très déterminées. Et on était tous d'accord que ce gouvernement-là est très, très affaibli. Et d'ailleurs, on le voit, hein, je pense que les hauts cadres des institutions, ils sont un peu en stress quand même, parce que peu importe où ils se pointent, la directrice de Radio France, la garde des Sceaux, les recteurs, etc., à chaque fois, ils ont un front très hostile et déterminé en face, c'est-à-dire nous. Et je pense qu'hier, ils ont envoyé 5 rectorats. Voilà, donc il y a aussi d'autres éléments. Les cheminots à Paris, ils ont envoyé le bâtiment de Black Rock. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. On est sur plein de fronts différents. Il y a plein d'actions qui se passent. Et le gouvernement sait que c'est chaud partout. Et ils sont très affaiblis. Et je pense que si on tire un bilan d'étape d'aujourd'hui, on n'a pas encore gagné politiquement contre ce gouvernement et tous ces pourris des capitalistes. Mais on a gagné plein de choses. Et je pense qu'il faut aussi voir des éléments positifs. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que la majorité des Français rejettent cette politique pro-capitaliste et tout pourri. Et ça, c'est un atout pour nous. Les chiffres sont très clairs. Il faut toujours se méfier des sondages, mais les chiffres sont clairs. La majorité soutient ce mouvement-là, soutient la lutte contre Macron et toute cette politique-là. Ça, c'est un premier constat. Et on a gagné autre chose. On a gagné à ce qu'il y a... Et ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu ça, qu'il y ait des vraies équipes de militants de la grève qui se sont créées dans les secteurs différents, pas seulement dans les secteurs les plus mobilisés, chez les cheminots ou ailleurs. Mais il y a des équipes, des militants comme vous, tous là, ici. On se définit peut-être pas tous comme militants, mais en réalité, on est tous militants pour la grève, on est tous militants contre cette politique de Macron. Et ça, c'est deux éléments qui sont très importants pour la suite. Parce qu'il n'y aura pas de trêve. Il n'y aura pas de trêve, même si le mouvement va peut-être s'affaiblir un peu en termes de chiffres, de taux de grévistes, etc. Mais cette année 2020, il n'y aura pas de trêve contre Macron. Ça, c'est très important pour nous. Dans l'éduc, ça va continuer. Il y a plein de sujets, les moyens, la réforme du bac pourri. Chez les cheminots, depuis le 1er janvier, ils ont perdu leur statut. Il y a plein d'éléments. Si on regarde notre vie privée, notre vie professionnelle, il y a 10 000 raisons pour continuer la bataille. Et ça, c'est un point d'appui pour nous. Je pense que c'est très important de constater. Et par rapport à ça, je voulais juste faire un petit point sur Chapelle d'Ablé. Donc je suis allé lundi et mercredi matin pour aller au piquet de grève des camarades là-bas. Et pour moi, c'est un des exemples parfaits du capitalisme. C'est une usine très très écologique, vous le savez tous. Ils recyclent des centaines, des milliers de tonnes de papier tous les ans. C'est une usine qui est rentable, hein, même d'un point de vue capitaliste. On ne peut pas dire qu'elle fonctionne à perte. Or, l'UPM, la multinationale finlandaise, ils considèrent que la marge de profit n'est pas suffisante. Ils préfèrent produire avec des conditions écologiques catastrophiques en Amérique latine pour exploiter davantage les travailleurs là-bas qui sont moins payés, qui sont dans une situation catastrophique. Et ils ferment une usine ici. Ils vont virer 236 salariés juste pour une question de profit. Il y a plein de boîtes qui sont dans cette situation-là. Et si on regarde bien, qu'est-ce qu'on peut proposer? Parce que le problème, c'est aussi qu'ils vont se faire balader dans un jeu de repreneurs. Petroplus a déjà perdu sur cette question-là. Ils vont les faire traîner. Le 27 janvier, la procédure de la mise en vente est engagée à partir du 27 janvier. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit réclamer? Et Olivier, le camarade secrétaire UD de Bouches-du-Rhône, il a clairement dit dans son discours du 10 janvier, il a dit « Rendez-nous nos outils de travail » et c'est ça qu'on doit réclamer. Les usines, elles sont à nous, pas seulement la rue. Les usines sont à nous, les services publics sont à nous. Et si on dit qu'il faut prendre l'argent dans les caisses du patronat, il faut aller un peu plus loin. Il faut qu'on prenne des moyens de production capitaliste. On ne va pas exproprier le petit boulanger à côté, ce n'est pas notre but. Mais il faut qu'on prenne en moins les grosses boîtes du CAC 40, il faut qu'on nationalise tous les secteurs clés, l'énergie, les transports, la finance. Il faut qu'on renationalise certains secteurs de service public, notamment chez les cheminots, une renationalisation s'impose à un moment donné aussi. Et c'est ça parce que c'est nous qui gérons la société, c'est nous qui gérons les services publics, c'est les travailleurs qui gèrent les usines et il faut qu'on vire ce capitalisme qui nous pourrit la vie tous les jours. Donc ça c'est aussi une discussion à avoir dans nos AG, avec nos collègues. Tant qu'on a le capitalisme dans la gueule, rien ne va s'arranger pour nous. Donc restons mobilisés et luttons contre ce système pourri. Merci.